flotte, qui flotte. Charlotte a un bateau qui flotte sur l'eau, qui flotte sur l'eau. Raoul a un camion qui coule, qui coule. Raoul a un camion qui coule au fond de l'eau, qui coule au fond de l'eau.